fixé l'argent et je suis calé. Barrez-vous, j'arrive en TN sur l'allée. Les regards sont ensemble nous tarés. Encore 20 albums et puis j'arrête. Ton équipe est fake, qu'on les arrête tous. Si t'as perdu du temps, il faut rendre les coups. Magic Johnson, tiens le Halle Hoop. Have you ever been in the hood? J'ai senti tous mes couplets par des punch. Passe pour un fou comme un singe aveugle. Les vrais rappeurs se reconstruire au bled. Les vrais rappeurs voudraient suivre la meute. Allô, pourquoi tu fais long? Oui, j'ai trop fumé, mon regard en dit l'enserre. Remballe tes chèques, on veut cacher espèce. Remballe tes chèques, on veut cacher espèce. Panique pas, on sensationnel. Au départ, on ricane. Et sous pop sensationnel. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane. Et sous pop sensationnel. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Hein? Le bon temps, l'oseille et les trophées. Rappelle-moi de ne jamais pardonner. La mélodie est très entraînante. A chaque fois je me perds dans mes pensées. J'appréhende le futur et chacun de ses secrets. A chaque fois le temps me fait planer. Donc écoute bien ce son quand t'es gazé. On se fera la guerre comme des tarés. Si un de la mafia tu trahis, j'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur. Alors je lis ce qu'il y a dans le cahier. Des fois je n'ai pas de peine. Point tout pour le péno. Attristé par manque de bif. Matrix écarte trop de chi. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ on ricane. Et sous pop sensationnel. Y'a tout l'équipe. Poche, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane. Et sous pop sensationnel. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Appréhende le futur, tes paroles. Ou y'aura ta tête dans mon piano. Fucking dead comme Pablo. La hesse fait de nous des gars barjo. C'est le cap, tel c'est pas un autre. Bruce Wayne va pharaon. Mentalité de vieux daron. Gardien des miens comme haut, black. Dans le bateau y'a les soldats. Le haut niveau ne veut pas, toi. En dépression même pas ça se voit. Cache ton malheur ou cache ton bif. Vendetta peut arriver vite. Margiela n'est pas Gucci bitch. Nike Kappa n'est pas Umbro bitch. Katana n'est pas couteau suisse. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane. Et sous pop sensationnel. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane, des soupapes sensationnelles. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Sûr de moi depuis mes 10 ans, billage. N'ont rien fait, j'mets des petits ponts. Recule-toi ou on te descend. Visage gâché par tous ces mes 10 ans. Maman voudrait qu'on ait encore 10 ans. Qu'on ne rentre pas trop tard. J'continue après la mi-temps. Disent-ils, t'es essoufflé, bâtard. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane. Des soupapes sensationnelles. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel. Panique pas, on dépasse. Quartier noir sensationnel. Au départ, on ricane. Des soupapes sensationnelles. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier noir sensationnel.